Le docteur, madame. Quelle bonne mine! Oh, mais vous savez, docteur, j'ai déchiré votre ordonnance. Mais comment diable voulez-vous qu'un médecin gagne sa vie si vous ne prenez pas de médicaments? Dans ces conditions-là, vous risquez d'être en bonne santé pour le restant de vos jours. Tout à l'heure, vous teniez des propos bien différents. Ah oui, tout à l'heure, c'était une consultation. Maintenant, c'est une visite amicale. J'hésite à vous demander pourquoi. Eh bien, j'allais vous le dire, je suis dévoré de curiosité. N'est-ce pas une de ces maladies que la maturité supprime? Alors, dites-moi qui a gagné, le roman ou le bon sens? Robert Oldham ou Rex Cunningham? Mon cher docteur, Rex Cunningham n'est qu'un petit garçon. Oui, j'ai déjà connu des mariages semblables qui ont très bien réussi. Ainsi, ma dernière cuisinière a épousé le garçon qui venait faire l'argenterie et les chaussures. Bien, ils sont très heureux ensemble. Évidemment, maintenant, je cire mes souliers moi-même et je dîne à mon club. J'ai promis à Robert Oldham de l'épouser. Eh bien, je ne peux que vous féliciter. Ma consolation, c'est de penser que mes amis vont devoir me faire des cadeaux. C'est ma seule revanche. Mais je suis sûre que vous serez très heureuse. Je suis sûre que je ne le serai pas. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Vous savez que j'aime beaucoup Robert. À aucun prix je ne voudrais le perdre. Le perdre? Pourquoi voulez-vous le perdre? Il y a des gens qui trouvent toujours que la tartine des autres est plus beurrée que la leur. Eh bien, Robert est comme cela. Il préférera toujours le poids de feu de quelqu'un d'autre. Alors, si je l'épouse, où ira-t-il passer ses soirées? Vous n'avez qu'un moyen d'en sortir, épouser quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai. Je suis sûre que ce serait le seul moyen de garder Robert. Oh, mais c'est dramatique quand on y songe. Mais c'est dramatique pour l'autre. Oh, dites-moi, docteur. Mais qui pensez-vous que je devrais épouser? Eh bien, passons en revue le cercle de vos amis et voyons. Et il ne faudrait pas qu'il soit trop jeune, attention. Non, il doit avoir un certain âge. J'aime assez les cheveux gris, vous savez. Il doit avoir une profession libérale. Oui, j'aimerais qu'il ait des intérêts en commun avec Robert. Cependant, oui. Il ne faudrait pas qu'il soit magistrat. Non. Imaginez qu'il commence à faire les boutiques ensemble, ce ne serait pas drôle pour vous. Mais pourquoi ne serait-il pas médecin? Ah oui, ce n'est pas une mauvaise idée, oui. Évidemment, s'il avait une vaste clientèle, il serait très occupé. Oui. J'aimerais aussi que ce soit un grand ami de Robert. Ah oui, évidemment, ça simplifierait tout. Oui, voyons, qui diable pourrait faire l'affaire? Ne vous inquiétez pas, docteur, mon choix est fait. Mon Dieu, vous êtes rapide dans vos décisions. C'est vous qui allez m'épouser, docteur. Moi? Non, certainement pas. Allons, cher ami, soyez raisonnable. Vous remplissez toutes les conditions, c'est miraculeux. Non, remettons les choses à leur place. Je suis votre conseiller médical, je ne suis pas aspirant à votre main. Mais vous venez de dire que vous étiez ici en visite amicale, pas en consultation. Ah, ça c'est très facile à arranger. Je vous fais payer une demi-guinée, ça devient une consultation. Moi qui vous prenais pour un homme du monde. Si vous entendez par là l'art et la manière de se sortir d'une situation délicate avec élégance, je crois que je suis un homme du monde. Méfiez-vous! Quand une femme a décidé d'épouser un homme, rien sur terre ne peut le sauver. Ah, je suis absolument conscient de vos avantages et je suis convaincu que tout homme s'estimerait trop heureux de vous épouser, mais... Vous le savez, je suis modeste. Tant de bonheur n'est pas pour moi. Et puis, j'ai trop d'affection pour vous. Je ne voudrais pas vous laisser gâcher vos efforts sur un objet aussi indigne. Vous n'avez que de l'affection pour moi. Oui, l'affection purement médicale, si je puis dire. Quelle horreur, vous parlez de ça comme des oreillons. Si vous saviez comme il est agréable d'être marié. Oui, c'est certainement pour ceux qui aiment ça. Il y a des centaines de moyens par lesquels une femme peut rendre un homme heureux. Il y en a mille et un par lesquels elle peut faire l'inverse. Oui, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de froid et d'hostile dans une maison où la main féminine est absente? C'est vrai. Et je suis sûr que si vous en parliez avec autant de persuasion à Robert, la chose lui sauterait aux yeux. Ne plaisantons pas, vous allez m'épouser. Non. Si. Alors, vous ne pouvez tout de même pas me forcer. Oh, je puis vous rendre la vie impossible si vous ne le faites pas. Oh, vous êtes une femme dangereuse. Vous êtes un homme courageux. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que Robert trouverait cette initiative très désagréable. Pour un instant seulement, il comprendrait très vite que nous n'avions qu'à désirer son bonheur. Après tout, si vous trouvez qu'un mari soit si indispensable, pourquoi avez-vous laissé mourir le vôtre? Ce n'est pas fait pour m'inspirer confiance, vous savez. Je ferai beaucoup plus attention à vous. Merci. Robert ne s'y attend pas du tout, n'est-ce pas? Imaginez sa tête quand vous lui direz. Évidemment, vous êtes très séduisant. On l'a beaucoup dit. Oui, Robert est un imbécile, il n'aurait jamais dû hésiter. N'est-ce pas? Ce serait bien fait pour lui si quelqu'un prenait sa place et l'occasion qu'il n'a pas eu le courage de saisir. J'aurais préféré que vous voyiez en moi une chance plus qu'une occasion. Caroline, voulez-vous être ma femme? Moi? Oh, mais je ne sais que répondre. C'est si inattendu. Je n'y aurais jamais pensé. Oui, docteur, je veux bien être votre femme. Je me suis toujours dit qu'il serait bien agréable d'avoir un sujet sur qui expérimenter tous ces nouveaux médicaments. Mais comment avez-vous fait jusqu'à aujourd'hui? Ah, la plupart du temps, je les essaye sur mes femmes de chambre, mais vous savez, elles ne montrent aucun intérêt pour la science, elles me donnent tout de suite leurs 8 jours. Vous, naturellement, vous ne le pourriez pas, n'est-ce pas? Si vous avez d'autres intentions de ce genre, je préférerais les apprendre dès maintenant. Oh non, non, non, ça, rien de bien grave. Évidemment, il faudrait que vous meniez une vie très retirée. Mmh. Les gens n'aiment pas beaucoup rencontrer la femme de leur médecin. Mmh. Ils ont toujours peur qu'elle en sache trop sur leurs petits maux intimes. Alors, l'idéal, ce serait que vous passiez pour une invalide qui ne peut jamais sortir. Oh, d'ailleurs, avec tous ces médicaments, ce serait inévitable. Bon. Après tout, tant pis. Rien n'importe quand je pense à la tête qu'ils feront tous quand vous allez leur annoncer notre mariage. Isabelle trouvera l'affaire excessivement émouvante. Elle vous embrassera probablement. Maud doit être déjà en route. Elle pensera que j'ai très mal agi. Ah, Cooper, madame, voulez-vous téléphoner à Mrs. French et lui dire de venir tout de suite? J'ai quelque chose de très important à lui annoncer. Très bien, madame. Oh, et Robert, pourtant je pense à la tête. Que fera Robert? Vous l'attendez? Oh oui, monsieur Robert, il est sorti à l'instant pour m'acheter une bague. Ah, vous ne dites rien pour qu'il ne soit tout cela. Alors vous prendrez une attitude de circonstance en essayant d'avoir l'air gai. Et radieux. Ah. Souvenez-vous que vous m'avez aimé en secret pendant 7 ans. Oui, le chiffre 7 me semble un peu difficile à exprimer sur mon visage. Alors vous leur direz, mes chers amis, j'ai une communication qui va vous surprendre tous. Caroline a accepté d'être ma femme. Après ça, nous verrons bien ce qui se passera. Elles ont passé une bonne journée à mes dépens. À mon tour maintenant. Miss Fulton. Allô, Caroline? Bonjour, docteur Corniche. Tu es souffrante? Maud, le docteur Corniche n'est pas venu à propos de ma santé. Non. Où est Robert? Sorti. Tu ne l'as pas renvoyé? Il a fait ce que tu souhaitais, Maud. Ah, je savais bien. Avec un peu de poigne, on redresse n'importe quelle situation. Maud, un événement vient de se produire qui nous met tous dans une nouvelle situation. Qu'est-ce que tu veux dire? Docteur Corniche, que se passe-t-il? Chaque chose en son temps, ma bonne amie. Un accident désagréable? Tout dépend de ce que tu entends par désagréable. Mais attendons le retour de Robert. Personne ne doit être au courant avant lui. Vous êtes de mon avis? Oh, entièrement. À propos, as-tu une réponse au télégramme que tu as envoyé à Nairobi? Tu vas voir, tu vas voir. Maître Holda! Ah, Robert, enfin, je me demandais si vous étiez arrivé. Vous êtes encore là, vous? Oui, le docteur Corniche aussi. Ah, comment allez-vous? Il y a longtemps que nous ne sommes pas vus. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle? Le docteur Corniche a lui aussi une nouvelle à nous annoncer. Ah. Si on ne m'explique pas tout, je fais une crise hystérique. À propos, Caroline, j'ai vu Peterson. Ah, très bien, vous me raconterez ça plus tard. Vous paraissez étrange. Je ne vous demande qu'un moment de patience. Mais pourquoi, mon Dieu, pourquoi? Je veux qu'Isabelle soit là. Elle prend mes affaires tellement à cœur, il est juste qu'elle apprenne en même temps que vous un événement qui va avoir une grande influence sur mon avenir. Je comprends pas et je déteste les mystères. Non, j'ai quelque chose à vous annoncer de très important. Mais Mrs. Ashley m'a demandé de n'en rien dire avant que tous ses amis ne soient présents. C'est exact. Moi, j'adore le mystère, mais je déteste le suspense. Oui, à propos, Caroline vous a naturellement dit ce que nous avions décidé. Oui, elle m'a dit que vous souhaitiez l'épouser. C'est vrai que je ne pense qu'à ça depuis 10 ans. N'entamons pas ce sujet pour l'instant, Robert. Je commence à me sentir inquiète. Sincèrement, cette fois, comme cache-t-on, Caroline? Mrs. Crunch et Mr. Cunningham. Enfin! Mais que se passe-t-il, Caroline? Rex, heureusement, venait d'arriver à la maison. Il comptait m'emmener faire un tour en voiture du côté de Hyde Park. Il se sert beaucoup de sa nouvelle voiture en ce moment. Oui, je lui ai dit de m'amener ici immédiatement. Est-il arrivé quelque chose depuis que j'ai reçu ton message? Oh, je suis très intriguée, tu sais. Nous sommes tous les deux très anxieux, Caroline. Madame. Oui? Un monsieur vous demande. Il dit qu'il avait rendez-vous. Ah, en effet, mon agent immobilier. Dites-lui que je suis désolée de l'avoir dérangé. Après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas mettre ma maison en location. Mais Caroline. C'est tout coupé. Très bien. Je ne comprends pas, il y a quelques heures, vous étiez décidé à vous débarrasser de votre maison. Vous avez changé d'avis? Un moment, Robert. Maintenant, docteur, l'instant est venu. Vous pouvez leur dire tout. Eh bien, voilà. Mes chers amis, j'ai une communication à vous faire qui va certainement vous surprendre. C'est impressionnant, le cœur me bat. Mes chers amis, Caroline et moi sommes tout émus de vous annoncer une grande nouvelle. Stephen Ashley, son mari, vient de sortir de cette pièce il y a 5 minutes. Quoi? Moi? Je l'ai vu de mes propres yeux, vous n'êtes pas plus mort que moi. Ça perd l'hypopée. Mais je ne comprends pas, Caroline. Moi non plus. Mais vous savez, c'est pas la première fois qu'on annonce sa mort. Quand je suis entré ici, que je l'ai vu, j'ai été à peine surpris. Je me demande si je rêve. Mais comment va-t-il? Oh, il est très gaillard. Oui, il peut vivre encore 30 ans. Vous croyez vraiment? Si l'on prend soin de lui, bien entendu. Ma pauvre Caroline. Quelle désillusion. Oui, ça, alors je vous demande d'être tous très, très, très gentils avec Caroline. Quant à moi, je ne puis que vous offrir ma plus sincère sympathie. Vous n'allez pas partir. Je vous laisse débrouiller cette situation du mieux que vous pourrez. Vous t'aimez pas. Oui, si un homme du monde est celui qui sait se sortir d'une affaire délicate avec élégance, je crois que... Je vous salue bien bas. Dans tous ces états. Oh, mon Dieu! Si mon mari arrivait comme ça tout d'un coup, je dois dire que moi-même, je ne sais pas ce que je fais. Je ne savais pas que vous aviez un mari. J'en ai pas. Le choc serait d'autant plus fort. Oh. Maintenant, ma chérie, maintenant, tu vas tout nous raconter. Mais il n'y a rien à raconter. Ah, allons donc. Comment est-il entré? Par la porte. Ah. Oh, toi, pas idiot! Qu'est-ce qu'il a dit? Que veut-il ou va-t-il? Oh, ouais, c'est bon, non, ne l'agacez pas. Hein. Elle n'a pas assez souffert comme ça. Pour... Oh, allons. Que vous êtes bon, Robert, je vous retrouve. Je ne vois vraiment pas quel mal ça peut lui faire de répondre à mes questions. Oh. Bon, asseyez-vous. Je vais tout vous dire. Alors, ne vous mettez pas dans tous vos états, Caroline. Prenez tout votre temps. Oh, taisez-vous, Robert. Eh bien, voilà, j'étais assise, là, bien innocemment. Je terminais une réussite. Robert venait de me quitter. Et pourquoi faire, grand Dieu? Oh, Robert, quelle merveille! Oh. Mais cela a dû vous coûter une fortune. Oh, c'est bien peu de choses. Je me demande s'ils me la reprendront. Ne vous inquiétez pas, Robert. Je vais la garder en souvenir de nos courtes fiançailles. Oh, quelle idée charmante, Caroline! Oh, vraiment, il n'y a que Caroline pour avoir des idées aussi charmantes. Allez, Caroline, allez, continue. On va continuer, Caroline. Alors, J'avais besoin d'un 7 de cœur pour terminer ma réussite. Je tire un 10 de trèfle et un 3 de pique. Je ne l'aurais jamais, pensais-je. Soudain, Cooper ouvre la porte et me dit qu'un homme est là qui désire le voir. Je croyais que c'était l'agent immobilier. Naturellement, vous lui avez demandé de venir. Oh, à propos, Robert, je voudrais vous dire qu'il m'avait paru cruel de vous demander de vendre votre cher petit hôtel. Aussi étais-je prête à me débarrasser de ma maison à venir vivre avec vous. Vous étiez prête à faire ce sacrifice. Oh, allez, Caroline, Caroline, continuez. Bon, je dis donc à Cooper de faire monter ce monsieur et je continue ma réussite. Oui. Ah, voilà enfin un cep. Je lève les yeux. Et qu'est-ce que je vois là, devant moi? Mon mari! Non! Oui, Stephen Ashley en personne! Vous, dis-je! Oui, répond-il. Vous n'êtes pas mort, dis-je. Non, répond-il. C'est la chose la plus excitante que j'ai entendue de ma vie. Mais qu'as-tu fait? Je lui ai dit de s'asseoir. Merde. Quel esprit de décision! Vous lui avez dit de s'asseoir et alors? Il s'est assis. Non. Si. Arriver ainsi à l'improviste, c'est un parfait manque de tact. Oh, il a fait ça par gentillesse, Maud. Il a lu lui aussi le Times ce matin. Il a pensé que je pouvais naturellement être inquiète. Alors il est venu lui-même me dire que l'annonce de sa mort était un peu prématurée. Mais quelle explication en donne-t-il? Explication. J'y arrivais, justement. Oh non, les journaux devraient faire plus attention. Le Times devient d'une légèreté. Allez, continue, Caroline. Je crois que je vais avoir une autre crise. Allez chercher le peignoir de bain et trempez-le dans le glacé. Non, restez là, Rex. Ça va déjà mieux. L'explication est parfaitement simple, mais laissez-moi reprendre mes esprits. Vous comprendrez que je sois un peu troublée. Oh, prends tout ton temps, ma chérie. Bon. Eh bien, autant vous avouer tout de suite que ce pauvre Stephen a toujours été un peu bizarre. Il apparaît qu'il était en affaire avec un certain Brown sur un projet un peu en marge de la normale. Je n'ai pas demandé de détails. Alors forcément, c'est un peu vague. Hein? Vous avez bien fait de ne pas lui demander d'explication. Robert, taisez-vous. Ils ont eu une discussion, tous les deux, et Brown s'est sauvé avec tout ce que possédait Stephen, papier, valise, tout le reste. Ensuite, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Brown a dû avoir un accident. Enfin, bref, quand on l'amena à l'hôpital, il avait perdu connaissance et on retrouva sur lui les papiers de Stephen. On en conclut donc qu'il était Stephen Ashley. Je vois. C'est une histoire qui pourrait arriver à n'importe qui. J'ai l'impression qu'il ne regrette pas trop que les autorités de Nairobi le croient mort. Il est décidé à partir pour le Texas. En fait, Stephen est mort pour tout le monde, sauf pour moi. De toute manière, tu l'as vu aujourd'hui pour la dernière fois, Caroline, grâce au ciel. Je crois. Comment vous croyez? Vous n'en êtes pas sûre? J'ai encore quelque chose à vous avouer. Et je ne sais pas comment vous le dire. Il m'aime toujours. Oh, Caroline! C'est très beau, tu sais, tout ça. Je ne pourrai jamais vous épouser, Robert. Vous me faites une peine infinie, Caroline. Il faut que je reste seule un instant. J'ai besoin de me reprendre en main. Oh. Eh bien, Isabelle, nous avons fait tout ce que nous pouvions. En tout cas, nous n'avons rien à nous reprocher. Pauvre Robert! Mon cœur saigne. Il y a quelque chose de pathétique et de si triste à la vue d'un homme fort qui lutte contre ses émotions. Il ne m'arrive pas souvent de m'avouer battue, mais cette fois je le fais. Au revoir, Caroline. Je t'appellerai ce soir pour savoir comment tu vas. Au revoir, ma chérie. Je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Il faut que je te quitte aussi, Caroline. Je voudrais dire un mot ou deux à Robert avant de partir. C'est dans des moments comme celui-ci qu'un homme a besoin de la sympathie féminine. Je t'en prie, Isabelle. Je connais ton bon cœur. Il est là. Chère Isabelle, la voilà son affaire. Si quelqu'un a besoin de sympathie en ce moment, ce serait bien moi, il me semble. Que vous arrive-t-il? C'est vous qui me demandez cela. Mais je vous aime, moi. Chut. Ne dites rien maintenant, Rex. Et surtout pas si haut. C'est que ça change tout. Mais c'est vrai, je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai. Mais ça rend ma situation absolument intolérable. Je suis hors d'atteinte maintenant. À partir de maintenant, je vais vivre une perpétuelle agonie. Je suis jeune, je suis jolie, je suis désirée. Mais vous ne m'écoutez pas. Et pourtant, je vous adore, Caroline. Je ne pourrai jamais vous aimer, Rex. Vous en êtes tout à fait sûr, tout à fait, Caroline. Tout à fait. Jamais je n'ai eu le cœur aussi brisé. Bon, je vais passer des nuits sans sommeil, les unes après les autres, sans fin. Mais vous n'y pourrez rien, n'est-ce pas? Rien. Mais c'est merveilleux d'être capable de tant d'amour. Si je me mettais à pleurer maintenant. Bon. Ça ne ferait pas très masculin, je pense. Pas dans cette pièce, voulez-vous? Bon, je vais me contrôler tant que je suis avec vous. Je vous souhaite d'épouser un jour une charmante jeune fille. Pure et bien anglaise. Et riche. De toute façon, je ne vous oublierai jamais, Caroline. Mais pourquoi me tendez-vous la main? Je pensais que vous sortiez. Je ne peux pas vous laisser comme cela, j'ai encore des masses de choses à vous dire. Pas maintenant, l'émotion m'a brisé. Mais comment voulez-vous me revoir? Vous savez, cette semaine, je vais être très occupée. Forcément, si vous n'aviez pas été pris ce soir, vous auriez pu venir dîner ici. Mais je ne suis pas pris ce soir. Vous ne dînez pas avec Isabelle? Non. Non, Caroline, à vrai dire, je ne sais pas si je m'entendrai très bien avec Isabelle. Vous la trouvez un peu... Oui. Oui, elle est un peu comme du beurre, un jour de chaleur. Non. Trop de gens sont venus verser des larmes sur sa poitrine, je ne voudrais pas y ajouter les miennes. Bon, dîner ici à 8h précise. Je viens, Caroline. Si aucun malheur ne m'est arrivé avant. Attention à vous, nous aurons un très bon dîner. Ah oui? Caviar frais, il arrive de Russie. Oui, je ne pourrai rien manger. J'avoue que je ne déteste pas le caviar. Nous aurons également des poussins grillés qui sortent de leur coquille. C'est une honte de les manger si jeunes. Cela leur évitera bien des déboires. Et après? Rien. Un sorbet à la framboise. J'ai l'impression que je pourrais me forcer. À tout à l'heure. Si cela peut vous faire plaisir. Habit ou smoking? Smoking. Alors bye bye. Je ne pense pas avoir la force de dire au revoir aux autres. Rex est parti? Il devait me reconduire. Oh, il n'a aucune tête. Il a dû oublier. Je vais prendre un taxicab. Mmh. Je tiens à te laisser seule avec Robert. Il est si malheureux. Je l'ai consolé comme j'ai pu. J'ai vu. Sois gentille avec lui, Caroline. Sois tendre. Mais je ne trouverai jamais autant de choses exquises à lui dire que tu en as le secret, Isabelle. Il dit que j'ai un don naturel de sympathie. Dis-moi, ma chérie, tu ne voudrais pas venir dîner ici ce soir? Ce soir? Mais c'est que j'ai demandé à Rex de venir. Ah, il n'a sûrement pas autant besoin de toi que moi. Oh, si tu as besoin de toi, ma chérie, je viens. Il me semble qu'il vaut mieux que je sois près de toi. Nous pleurerons ensemble, veux-tu? Ce sera merveilleux. Alors, à tout à l'heure. Robe du soir? Si tu veux, 8h précises. Je n'aurai guère d'appétit, tu sais. Mmh. Juste un œuf pour moi. Elle veut manger un œuf? Pourquoi? Quand? Ce soir à dîner? Où? Ici. Mais vous n'allez pas me dire que vous l'avez invité? Mais si. Mais pourquoi? Mais c'est vous qui me l'avez demandé. Oh, qu'est-ce qui vous prend, Caroline? Mais je croyais que vous vouliez faire un bridge après. Oh, vous n'avez pas compris que ce soir, entre tout, je désirais être seule avec vous. Oh, Robert. Je suis en proie à la plus grande désillusion de ma vie. La seule chose qui pouvait me consoler, c'était de passer une soirée tranquille avec vous. Voilà, vous invitez cette bavarde. Mais je croyais que vous l'aimiez tant. Oh, Caroline, vous savez parfaitement que depuis 10 ans, j'étais suprêmement indifférent à toute autre femme que vous. Oh, j'aime vous l'entendre dire. Mais je ne sais pas comment je supporterais tout ça. Un peu de patience. La patience, j'en ai depuis 10 ans. Au moment où la récompense me tombe dans les mains, voilà qu'on me l'enlève. Vous n'étiez pas si pressé de m'épouser, ça? Non, écoutez, Caroline, non, je serais parfaitement franc avec vous. Je veux dire qu'au premier abord, l'idée de me marier m'a littéralement consterné. À la seconde où vous avez accepté de m'épouser, j'ai compris que vous remplissiez là mon vœu le plus cher. Caroline, je n'ai jamais eu autant envie de vous épouser qu'en ce moment. Vous ne me trouvez pas un peu âgée? Non, vous êtes ravissante. Vous paraissez 18 ans. Si je n'étais pas follement amoureux de vous depuis 10 ans, c'est cet après-midi que je serais foudroyé. Comme j'aime vous entendre parler, Robert. Caroline, voulez-vous m'épouser? Pourquoi ne pas forcer Stephen Ashley à vous accorder le divorce? Nous avons discuté de cela mille fois et décidé que c'était impossible. Caroline, vous ne saurez jamais à quel point je vous aime. Ne sommes-nous pas plus heureux ainsi? Stephen Ashley n'aura peut-être pas la vie éternelle. Il avait l'air en forme, vous savez. La prochaine fois qu'il meurt, je vous prends par les cheveux et je vous traîne jusqu'à l'église. N'y comptez pas, Stephen nous enterrera tous. Il est d'ailleurs possible qu'il soit nécessaire à notre bonheur. C'est un peu grâce à lui que vous m'aimerez toujours. Et moi aussi. Robert, nous venons de retrouver mon mari. Quelque chose me dit qu'il aura la vie éternelle. Caroline, je vous adore. Vous voyez, je suis à genoux devant vous, comme un Français. La pièce que nous venons de jouer devant vous est de Somerset Maugham. L'adaptation française de Paul Quentin. Le décor de Roger Hart. Les costumes de Donald Caldwell. Avec Claude Brécourt. Madeleine de la Vèvre. Jacqueline Géaneuf. Evelyne Dassas. Jacques François. Christiane Minazzoli. Dans une mise en scène de Grégoire Aslan.